بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشرع اليوم في الدرس العشرين on commence aujourd'hui le 20e cours في تفسير كتاب الله تعالى dans l'exégèse du livre d'Allah le Très-Haut وقد وَنَبْدَأُ الْيَوْمِ فِي سُورَةٍ جَدِيدًا On commence aujourd'hui une nouvelle sourate. وَقَدْ أَشَرْنَا إِلَيْهَا سَابِقًا Et on a fait certes allusion à cette sourate auparavant. وَهِيَا سُورَةَ الْإِنْفِتَارِ C'est sourate الْإِنْفِتَارِ ذَكَرْنَا سَابِقًا أَنَّ هَذِهِ السُورَةِ أَيْضًا فِيهَا أُمُورٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ كَالسُورَةِ السَّابِقَةِ On a vu précédemment que cette sourate qu'on va voir aujourd'hui, Al-Infitar, c'est une sourate qui contient aussi des sujets liés à l'au-delà, comme la sourate précédente. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit « Idha sama'un fatarat » Lorsque le ciel s'ouvrira. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ Et lorsque les étoiles chuteront. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ Et lorsque les mers seront durement, brutalement mélangées. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ Et lorsque les tombes seront retournées. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ Chaque âme saura ce qu'elle a avancé et retardé. ذكر الله تعالى أربعة أمور لا بد من وقوعها. Allah Ta'ala a cité quatre éléments dont il est obligatoire qu'ils se produisent. انفطار السماء وتساقط النجوم لانتهاء العالم. Le fait que le ciel s'ouvre, la chute des étoiles pour la fin du monde. Tafjirul bihar, les mers qui sont violemment mélangées. Qala al-Baraoui rahimahullah, al-Baraoui il dit rahimahullah. Fajjara ba'daha bi ba'd. Ikhtalata العذب بالملح فصارت بحرا واحدا أو بحرا واحدة Et donc il nous dit le Baraoui rahimahullah que Allah Ta'ala va mélanger les mers. Il va mélanger l'eau salée et l'eau douce, qui ne deviendra qu'une seule eau. وَتَقْلِيبُ الْقُبُورِ فَيَخْرُجُ النَّاسِ مِنْ قُبُورِهِمْ Et donc le fait de retourner les tombes, alors les gens sortiront de leurs tombes. فَإِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ الْأَرْبَعَةِ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ Et lorsque ces quatre éléments se produiront, alors عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ Chaque âme saura ce qu'elle a avancé et ce qu'elle a retardé. فَحِنَا إِذِنْ تَعْلَمُ كُلُّ نَفْسٍ مَا مَعَهَا مِنَ الْأَرْبَحِ À ce moment-là, chaque âme saura ce qu'elle a avec elle comme gain et bénéfice et perte. وَيَنْدَمُ الظَّالِمُونَ عَلَى مَا قَامُوا مِنْ أَعْمَالِ Et les injustes regretteront ce qu'ils ont accompli comme acte. وَلَا يَنْفَعُهُمْ نَدَمٌ حِنَئِذٍ فَالدُّنْيَا دَارُ عَمَلٍ وَالْآخِرَةِ دَارُ جَزَاءٍ Cependant, le regret ne leur sera nullement profitable à ce moment. Car la vie d'ici-bas est la résidence pour les œuvres et la vie dans l'au-delà est la résidence pour la rétribution. Ensuite, Allah le Très-Haut, il dit « Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbika al-karim. Alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalak. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. » Oh, al-insan, oh, être humain, qu'est-ce qui t'a trompé concernant ton Seigneur, le généreux, celui qui t'a créé, t'a alors modelé et qui t'a harmonieusement constitué, celui qui t'a façonné selon l'apparence qu'il voulait. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Oh, être humain, qu'est-ce qui t'a trompé concernant ton Seigneur, le généreux? Ma huwa alladhi khada'ak faj'alaka tuqabilu al-ihsana wal-karam bil-kufri wal-ma'siya. Qu'est-ce qui t'a trompé et qui a fait que tu as répondu à la bienfaisance et à la générosité par la mécréance et la désobéissance? جاء عن الفضيل بن عياض انه قيل له لو سئلت ما غرك بربك الكريم. Il a été rapporté d'Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah qu'il fut interrogé: si lorsqu'il te sera demandé qu'est-ce qui t'a trompé concernant ton Seigneur le généreux, فَقَالَ لَوْ قَالَ لِي مَا غَرَّكَ بِي. Alors, Al-Fudayl ibn Iyad, il dit, s'il me dit, c'est-à-dire si Allah me dit, qu'est-ce qui t'a trompé me concernant, لَكُلْتُ سُتُورُكَ الْمَرْخَى. Alors, je dirais, le fait que tu caches les agissements, les péchés. أَيُّهَا الْإِخْوَى وَالْأَخَوَاتِ لَا تَغْتَرُّوا بِكَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى يَسْتُرُ الذُّنُوبَ فَإِنَّ الْعَذَابَ شَدِيدٌ. Oh, frères et sœurs, ne soyez pas trompés par le fait que Allah, le Très-Haut, il cache les péchés. Ne soyez pas trompés par cela, car certes, le châtiment est dur. وَمِمَّا يَخْدَعُ الْإِنسَانِ بِرَبِّهِ جَهْلُهُ بِهِ وَبِعَذَابِهِ الشَّدِيدِ. Et parmi les éléments qui vont tromper l'individu concernant son Seigneur, son ignorance vis-à-vis de son Seigneur et de son châtiment, de son lourd châtiment. فَكُلَّمَا عَلِمَ الْإِنسَانُ رَبَّهُ دَلَّهُ ذَلِكَ الْعِلْمُ عَلَى الْقِيَامِ بِأَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ. À chaque fois que l'être humain, plus l'être humain il connaît son Seigneur, alors cela va l'amener à accomplir les ordres et à délaisser les interdits. وَهَذَا يَحُثُّنَا أَيُّهَا الْإِخْوَى وَالْأَخَوَاتِ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِالْعِلْمِ. Et cela nous pousse, ô frères et sœurs, à l'apprentissage de la science et au fait d'œuvrer avec la science. C'est très important. Allah Ta'ala qui dit après cela: Alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalak. Celui qui t'a créé et qui t'a alors modelé et qui t'a alors harmonieusement façonné. فالإنسان يقابل الإحسان أو يقابل إحسان ربه إليه بالمعصية. Et donc l'être humain, il répond à la bienfaisance de son Seigneur envers lui, la bonté de son Seigneur envers lui. L'être humain répond par la désobéissance. فالله خلقك وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا. Allah, il t'a créé alors que tu n'étais rien. وَاللَّهُ لَمْ يَكْتَفِ بِذَلِكِ. Allah, il ne s'est pas suffi de ça. Il ne s'est pas suffi de te créer. Ce n'est pas juste ce qu'il a fait. فَإِنَّ اللَّهَ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَكَ عَلَىٰ سُورَةِ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْحَيَوَانَاتِ. Allah est capable de te créer sous la forme d'un chien ou d'un porc ou d'un autre animal. Mais il t'a accordé une image d'homme, d'être humain. فَخَلَقَكَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَرَكَّبَكَ تَرْكِيبًا مُعْتَدِلًا فِي أَحْسَنِ الْهَيْئَاتِ. Allah Ta'ala t'a créé de la meilleure des façons. Et il t'a façonné de façon juste, harmonieuse, sous la meilleure apparence. فِي أَيِّ سُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ. Il t'a accordé l'apparence. Il t'a accordé l'apparence qu'il voulait. Il t'a façonné selon l'apparence qu'il voulait. Fahmadillah ala hadhihi surah allati khalaqaka alayha. Alors loue ton Seigneur pour cette apparence qu'il t'a donnée lorsqu'il t'a créé. Ushkurhu, remercie-le. Fakum bi awamiri wajtanib ma'asi. Alors, accomplis ses ordres et délaisse ses interdits. Voilà comment tu vas le remercier pour cette apparence qu'il t'a donnée et que tu vois tous les jours. Ensuite, Allah Ta'ala qui dit « Kalla bal tukadhibuna bid-din. » Mais non, vous traitez de mensonge la rétribution. « Fa ma'a hadha al-wa'z wa hadhihi al-ayat » فأنتم تكذبون بالدين وستحاسبون لا محالة. Malgré ce serment, ces versets, vous rejetez, vous mécroyez en la rétribution et vous serez jugés. Il n'y a nul doute, vous serez jugés, cela est inévitable. قال بعض العلماء تكذيب الناس بالبعث والحساب هو الذي غرهم بربهم وأوقعهم في أقبح القبائح. Certains savants, ils disent, le fait que les gens, ils mécroient en la résurrection et au jugement final, c'est ce qui les a trompés concernant leur Seigneur. Et c'est ce qui les a poussés à accomplir les péchés les plus moches. Unzuru حولكم. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous des gens qui sont sans limite. Ils n'ont aucune limite. Ils peuvent accomplir tous les péchés. Parce qu'ils ne croient pas en la rétribution. Tu essaies juste de lui expliquer la gravité de la fornication. Il te dit quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Parce qu'ils ne croient pas en la résurrection. Le fait qu'ils ne croient pas en leur Seigneur, qu'ils ne croient pas en la rétribution, c'est ça qui les a trompés, qui les pousse à accomplir ces agissements. Allah Ta'ala qui dit « Wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. » Certes, il y a avec vous des anges qui enregistre tout. Nobles et scribes, ils savent ce que vous faites. Ils savent parfaitement ce que vous faites. فَهَاُولَا الْمَلَائِكَ يَكْتُبُونَ كُلَّ مَا تَفْعَلُونَ وَتَكُولُونَ فَلَا تَظُنَّ أَيُّهَا الْأَخْ وَأَيَّتُهَا الْأُخْتِ أَنَّكَ وَحْدَكَ فِي جَوَّالِكَ أو سيارتك أو غرفتك فلا تختار فلا تغتر بكونك لا ترى أحدا معك. Et donc ces anges qui écrivent tout ce que nous faisons, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, ne sois pas trompé, ô mon frère, ô ma sœur, ne sois pas trompé. Et ne pense pas que tu es seul dans ton téléphone, ou dans ta voiture, ou dans ta chambre. Ne te trompe pas par cela. Ne te laisse pas tromper par le fait que tu ne vois personne avec toi. Allah Ta'ala qui dit « Inna al-abrara la fi na'im » « Wa inna al-fujjara la fi jahim » Certes, les pieux sont dans des délices. Et certes, les pervers sont dans une fournaise. « Qala al-alam a tout sa'adi, rahimahullah » المراد بالأبرار هم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار انتهى. Le très savant Sa'di, il dit, ce qui est voulu par les pieux, ce sont ceux qui ont donné leur droit à Allah et aux serviteurs et à ses serviteurs. Ceux qui agissaient tout le temps, qui adoptaient, ceux qui adoptaient la piété dans leurs œuvres, dans leur cœur. Ceux qui adoptaient la piété dans les œuvres de leur cœur, excusez-moi. Ceux qui adoptaient la piété dans les œuvres du cœur, les œuvres des membres aussi. Alors ceux-là, leur rétribution, sont les délices dans le cœur, dans l'âme et dans le corps, dans la résidence d'ici-bas, mais aussi la résidence intermédiaire, El Barzakh, dans la tombe, et El Qarar, la résidence éternelle du repos. Fin de citation. Fala yakfi an tusalli wa tasum. Et donc il n'est pas suffisant que tu pries et que tu jeûnes. Bal la budda an takuma bi huquqil makhluqat aidan. Mais il est impératif que tu accomplisses aussi les droits des créatures. Wa ta'ammalu fi kalam Cheikh Sa'di rahimahullah. Et méditez sur la parole du Cheikh Sa'di rahimahullah. An-na'im fi al-qalb war-ruh wal-badan. Les délices dans le cœur, dans l'âme, dans le corps. Hadhihi hiya as-sa'adatu fi ad-dunya wal-akhirah. C'est cela le bonheur. Ici-bas et dans l'au-delà. Turidu sa'ada kun min al-abrar. Tu veux le bonheur, alors fais partie des pieux. Wa qala al-'allamah sa'di fi al-fujjar alladhina qassaru fi huquqillah wa huquqi 'ibadihi alladhina fajarat qulubuhum fa fajarat a'maluhum. Et donc il dit le Cheikh Sa'di rahimahullah concernant les pervers. Il dit ceux qui ont été négligents concernant les droits d'Allah et concernant les droits de ses serviteurs, ceux dont leur cœur fut perverti, alors leurs œuvres aussi furent perverties. Fala tazunna annaka ta'malu bil qaba'ih wa qalbuka salim. Alors ne pense pas. Et donc, excusez-moi, donc j'ai fini la fin de citation concernant la parole de Cheikh Sa'di. Alors ne pense pas que tu vas accomplir des péchés et des actes détestables et que ton cœur est saint. Comme beaucoup nous disent, le plus important, c'est le cœur. Ils accomplissent tous les péchés, ils te disent, le plus important, c'est le cœur. Ne pense pas que tu as accompli tous ces péchés et que ton cœur, il est saint. Ne pense pas à cela. Ne pense surtout pas à cela de toi et de ton cœur. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le prophète صلى الله عليه وسلم qui nous dit, il y a certes dans le corps un morceau que si celui-ci est correct, alors tout le reste du corps, si celui-ci est saint, alors tout le reste du corps sera saint. Et si celui-ci est corrompu, alors tout le reste du corps sera corrompu. Certes, ce membre est le cœur. Allah Ta'ala qui dit après cela, Yaslawnaha yawmiddin wa ma hum anha bigha'ibin. Ils y brûleront le jour, au jour de la rétribution et n'y seront pas absents. Fayawm al-qiyamah. Al-fujjar sayaslawna fil jahim. Alors au jour de la résurrection, les pervers brûleront dans la fournaise. Wa hum al-kuffar. لأن الله تعالى قال بعد ذلك وما هم عنها بغائبين. Et ce qui est voulu par les pervers ici, ce sont les mécréants. Car Allah Ta'ala, il dit après cela وما هم عنها بغائبين, et ils n'y seront pas absents. فلا يخرجون من النار ولا يعطون ما يريدون من الموت والراحة ولو لحظة. Ils n'y seront pas absents. Donc, ils ne sortiront pas de l'enfer. Ils ne pourront pas en sortir. Et il ne leur sera pas donné ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, tel que la mort ou le repos, ne serait-ce qu'un instant. Cela ne leur sera pas accordé. Wa samma Allahu ta'ala al-qiyamah biyawmiddin li'anna لأن في هذا اليوم يجازي العباد على أعمالهم. Et Allah Ta'ala, il a appelé le jour de la résurrection يوم الدين, le jour de la rétribution, car durant ce jour il va rétribuer les serviteurs en fonction de leurs actes. وما أدراك ما يوم الدين. Et qu'est-ce qui te permet de savoir qu'est-ce que le jour de la rétribution? هذا تخويف من الله فيما يتعلق بهذا اليوم. Et donc ceci est le fait qu'Allah, il fait peur concernant ce jour. Il nous fait peur concernant ce jour terrible. ثم أكد الله ذلك. Ensuite Allah, il confirme cela, il répète, il dit ثم ما أدراك ما يوم الدين. Puis qu'est-ce qui te permet de savoir ce qu'est le jour de la rétribution? فإن كنت لا تخاف من هذا اليوم فاعلم أن قلبك ميت وإن كنت تمشي على الأرض وتجري. Et si tu n'as pas peur de ce jour, alors sache que ton cœur est mort, même si tu marches sur terre et tu cours. ثم فسر الله تعالى ما هو يوم الدين. Ensuite Allah, il a expliqué qu'est-ce que le jour de la rétribution. Fekol, il a alors dit يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِذٍ لِلَّهِ. Le jour durant lequel aucune âme ne détiendra aucun profit pour une autre. Et le commandement ce jour appartiendra à Allah. رَأَيْنَا هَذَا سَابِقًا. فلا ينفع أحد أحدا ولو كان أقرب قريب له. Nous avons vu cela précédemment. Durant ce jour, personne ne pourra être profitable à quiconque, même si c'est l'un de ses proches, c'est l'un des gens, c'est l'un des plus proches de cet individu. ولا ملك لأحد. Il n'y aura de royauté ni de royaume à quiconque. فالأمر كله لله. Le commandement entièrement appartiendra à Allah. والحقيقة أن الأمر لله في الدنيا والآخرة. La réalité, oh mes frères et sœurs, est que le commandement appartient à Allah ici-bas et dans l'au-delà. ولكن في يوم الدين لا ينازعه أحد. Cependant, durant le jour de la rétribution, personne ne va s'opposer et ne va rejeter cela. Personne. Personne. Tous s'inclineront et seront rétribués en fonction de leurs actes. Nous avons donc fini l'exégèse, ce que nous avons pu citer, donc des paroles des savants concernant l'exégèse de Surat al-Infitar. Et la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala,